Non, mais il y en a déjà un qui s'est démonté, là. Qui dit Ouais, plus je sais rien. bien, oui. Mais tu vas pas tournevisser maintenant. Bah, tiens. Si tout dit, si tout fait. Bon, là, j'éteins, hein. Là, t'éteins. J'éteins. Alors, line. Voilà. Et puis, power. Oui. Tac. Alors, ça fait un bruit. Alors là, il y a une ronflette. C'est insupportable. Tu modules pas beaucoup, toi. Tu veux dire, ah, je parle Ouais. pas assez fort, voilà. Non, On met un ça peu de accroche un volume. peu. Bon. Bon. Alors la question pour l'instant, c'est d'arriver à envoyer quelque chose dans cette machine sans que ça se mette à ronfler démesurément. Bon, alors on prend le livre. On prend le livre. Allô? Ouais, prends le livre. Ah Ouais, moi je bricole pour l'instant. ouais. Ouais. Alors. Allô? Entrée, non. Descriptif général, introduction. Voilà. Ouais, ils disent surtout ça, Bon, quoi. oui. Voir paragraphe suivant. Et là, on rentre rien dedans. Non, ben non, tout... ça c'est l'entrée. Hein. Ouais. Ça c'est le bouton d'entrée. Alors, line, in, out, que je vois ici. Ouais. Ah ben, il n'y a plus de ronflette. Non. C'est parce que j'ai connecté la masse. Il y a un retour de masse là qui ne doit Oh, pas être ben, c'est une net. bonne idée. Ah. C'est Bon, alors ce bouton-là, oui, tu le touches c'est très pas? compréhensible. Ben non, ben, je peux pas le faire, je suis obligé de me mettre là. Bon. C'est-à-dire que je suis obligé à ce moment-là de mettre, si tu veux, pour aller dans la table, regarde, je vais me supprimer moi, mais maintenant je reviens par la table. Alors là, je m'envoie dans la machine directe, je suis plus. Je passe plus par Ouais, ça accroche là. Moins accroché. Rapprochement. Et moi, je suis pas dans la machine. Donc tu veux y aller? Oh bah oui. Enfin, Tu y es. si tu veux. Mais non, j'y vais pas. Bon, tant pis pour Bon, toi. toi, t'y vas pas non plus. C'est ça qui est le problème, c'est que tu choisis soit tu t'envoies dans la machine, Toi, tu t'envoies pas. soit tu passes en direct, soit tu t'envoies dans la machine. Oui, d'accord. Bon. C'est toi? C'est toi. C'est moi? Ouais. C'est les piles de ce système. Alors, ce truc, il fait quoi? Si j'appuie par exemple sur ce bouton qui est marqué. Ah, c'est très bien tout ça. Alors ça, c'est pour ce petit carré là. C'est-à-dire que ça capture une séquence de son. Oui. Et ça la répète indéfiniment. C'est parti. Alors, je t'explique. Là, ici, Non. t'as des LED. Peut-être. Là, ici, t'as l'harmoniseur. Tu crois? C'est entendu. Bien sûr. Tu dis que tu vas prendre les boutons boutons les uns après les autres. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah bon, d'accord. C'est comme ça que t'appelles ça, prendre les boutons les uns après les autres. Oui, systématique. Systématique. Mais j'arrive pas à faire les deux en même temps. T'as raison, c'est pas systématique. Bon, alors, on enlève ça. Il faudrait prendre ça. Hein? Ah bon, en mettant la fête systématique. Oui, parce que bah oui, parce que moi j'ai déjà lu la notice. Ah, bah alors pourquoi tu veux que je la lise si tu l'as lu? Alors, enfin, c'est parce que si tu veux, le vrai système de l'harmoniseur, il est uniquement là et là. Ça, voilà. Là c'est l'harmoniseur. Vous m'avez bien compris. C'est-à-dire normal, extend, extendu, micro, dièse et bémol. C'est APC, ça doit vouloir dire pitch dans notre langage. Tiens, par exemple, j'aurais pas pensé à ça. Bon, alors on l'enlève celui-là. Alors main. Ouais. Je bouge. Ouais. Vas-y. Cool. Allô, bonjour. Allô, bonjour maman. On m'entend bien. Bon, ça fait rien là. Ça fait rien. Alors ça veut dire par exemple que. Mais celui-là, il faut que je le sorte, non? Qui fait ça? C'est le micro, non? Je l'entre ici, oui. Le signal, c'est-à-dire la table. Oui. Oui. Et je la sors, il faut bien que je la sorte. Oui. Et quand je la sors, je l'envoie où? Je l'envoie ici? Non. Non. C'est-à-dire, je l'entre... Ben, c'est exactement comme tu fais une réinjection. C'est un peu sale, ça, hein? Ouais. Bon, voilà. Alors maintenant, à ton avis, il faut aller où? Il y a une entrée dans cet appareil, mais il y a deux sorties. Il y a deux sorties. Ouais, c'est vrai, elle est bonne. Habituellement, c'est contre. Bah oui. D'accord. C'est-à-dire que c'est... Bah non, je comprends la fonction de ce bouton. Non. Si je tourne ce bouton-là, Allô. Ah oui, c'est bien. En fait, là, c'est parce que tu triches. Comment je triche? Bah oui, parce que tu appuies sur aucun bouton. Ah. Alors maintenant. Si. Maintenant, la partie. Alors, la partie. Pitch change. Ah, c'est donc celui-là, c'est le rouge. En dessous. Alors, fonction select. Le bouton rouge s'allume. Oui. Est-ce qu'on peut le faire descendre? Le 1000, c'est le 1. C'est. Et je change pas du tout le volume. Je le ressors. On va peut-être s'en apercevoir mieux, je le ressors en envoyant du signal. Et t'envoies comme ça.